Et bonjour Charline. Salut Tony, comment vas-tu? Ça va bien, il faisait beau, il fait plus beau, ça a changé en 20 minutes, mais c'est la fin de l'hiver, c'est normal, hein. Semaine dernière, on a parlé des cartes d'oracle et des tarots. L'épisode a été plutôt apprécié, donc je suis très content. Oui, globalement, vous avez été plusieurs à apprécier les petites astuces et avoir une sorte de guide là pour pouvoir commencer à vous amuser avec l'outil. Bienvenue dans ce nouvel épisode de En attendant le bûcher, je suis Tony Grimoire. Et je suis donc les énergies de Charline. On vous retrouve avec joie aujourd'hui pour vous parler magie. Et aujourd'hui, bah justement, on sort de l'hiver, on arrive dans quoi? Le printemps. Et oui, c'était la question qui ne valait rien en vrai, parce que bah, on n'a pas d'argent. Ce week-end, on sera sur la fête sorcière qu'on appelle Ostara, qui est pour nous les sorciers le vrai début d'année. L'année celte, l'année païenne, appelez ça comme vous voulez, commence maintenant au printemps. Même en astrologie, hein, le premier signe d'astrologie, c'est le bélier qui commence là. Donc c'est vraiment que on a choisi le 1er janvier, en plein milieu de l'hiver, the fuck, mais pour tout le monde, c'était là que ça devrait commencer. Mais bon, c'est pas grave. Quand l'Église s'en mêle et puis que la République décide, on a un truc qui est plus très coordonné avec la nature. Si comme nous, vous laissez vos yeux se porter autour de vous depuis quelques semaines, vous voyez bien que c'est maintenant que ça commence. Et justement, on sort d'un hiver, on sort d'une période où on a été plutôt dans l'introspection, on a été peut-être plus enfermé chez soi, en tout cas moins dehors. Et là, on va passer à une énergie où justement, au contraire, on va être plus dans l'extérieur, plus dans la nature, plus avec les rayons du soleil. On a tous quand même ce truc très cocooning sur les mois sombres, hein, peu de lumière et peu de durée de lumière, donc déjà ça restreint l'espace de sortie. Si vous avez un boulot salarié classique, bah, vos horaires sont très incompatibles avec ceux du soleil, hein, vous Ouais. partez le matin de nuit, vous rentrez de nuit, donc c'est maintenant que vous allez pouvoir reconnecter à l'extérieur, alors c'est à l'extérieur de votre chez vous, mais aussi vos énergies vont commencer à ressortir de votre intérieur à vous. Vos énergies qui sont ressourcées, elles sont disponibles avec un nouvel espace, une nouvelle énergie, une nouvelle dynamique pour pouvoir semer, pour pouvoir germer, pour pouvoir apporter de nouvelles choses dans votre vie. Pareil, si vous en avez besoin, si vous en avez envie, mais c'est maintenant que vous vous êtes porté énergétiquement pour réussir à faire ça. Je pense que la magie et les énergies sont indissociables de la nature. Il faut quand même avoir une sensibilité ou en tout cas faire attention à cette nature qui est autour de nous parce que c'est de la nature que provient toutes nos énergies en gros. Enfin, on a nos énergies intérieures, mais on n'est pas dissocié de la nature, on fait partie de cette nature. On parle de printemps, il y a une expression qu'on aime bien en français, c'est le ménage de printemps. On sort de l'hiver où on a peut-être accumulé des choses et on va passer à un moment où on va libérer de l'espace physique mais énergétique aussi pour commencer à avoir une nouvelle dynamique. Moi, je voudrais te demander quelles sont les choses que tu te dis, j'aimerais bien m'en débarrasser pour commencer cette nouvelle, entre guillemets, année. Il y a deux réponses à ça. La première, très terre à terre, c'est que je viens de faire une petite session shopping, donc je vais me débarrasser d'anciens vêtements. Et ça a l'air de rien, mais votre apparence aussi montre un renouvellement de quelque chose qui se passe à Ouais. l'intérieur de vous. En termes d'espace, c'est-à-dire si je prends mon appartement, ça fait à peine un an que j'y suis, donc le tri, il a été fait au printemps de l'année dernière, où là, j'ai trié avant d'emmener des choses, mais il va réellement y avoir cette idée de ménage, c'est-à-dire pièce par pièce. En même temps que j'enlève de la poussière, que je passe l'aspirateur, je vais avoir cette intention de ce qui ne m'est plus utile, m'imaginer que je le laisse aller avec ce ménage-là, avant que de nouvelles entrent. C'est un chemin et un processus que j'ai commencé depuis quelques temps, redonner un nouveau souffle, un nouveau dynamisme à ma pratique. Et ça s'accompagne de plusieurs façons. Bah, ça s'accompagnait de la création de ce podcast, évidemment. Je vais refaire mon bureau parce que je l'ai fait donc il y a 2 ans. Mais ce printemps aussi, c'est l'occasion pour moi de réorienter toutes mes activités. Et je me dis que mon bureau doit refléter ça. Et il doit être beaucoup plus pratique dans ce que je veux vraiment. Donc voilà, ça c'est un peu mes choses que je veux faire. On va dire plus dans l'espace, mais dans le mental, je veux avancer justement sur la notion de tout ce que je le fais à 100% et je mérite tous les succès que j'aurai. Moi, ma grosse révolution 2026, je percute maintenant, hein, mais bon, pourquoi pas, c'est ça, c'est ce truc des plantes. Alors toi, tu le sais, Ça fait 1000 ans que je tourne autour du pot avec les plantes. Donc, j'ai commencé une formation en gémothérapie. Donc, la gémothérapie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'utilisation des macérats de bourgeons de plantes. C'est une science qui repose sur l'idée que le bourgeon de la plante comporte toutes les informations biologiques, énergétiques pour fabriquer la plante. J'ai commencé aussi une formation pour l'usage des fleurs de Bac. Est-ce que tu peux rappeler ce que c'est, les fleurs de Bac? Chacune d'elles va venir apaiser des émotions et vraiment tout est très nuancé. Après ces deux-là, j'attaque la phytothérapie. Là, pour de bon. Donc ça y est, la sorcière a reconnecté à ses plantes. C'est 2026. Qui dit printemps dit plantes et fleurs. Aujourd'hui, quelles sont les fleurs et les plantes qu'on utilise dans nos rituels pour leur symbolique? Je pense que ce que j'utilise le plus comme plante pour rituel ou même comme ça au quotidien, ça va être romarin et lavande. Lavande, pour moi, c'est vraiment une énergie d'apaisement profonde. Ça peut être aussi la rose, c'est vraiment relié à de la reconnexion au cœur. Là, c'est quand j'ai besoin de ramener de la douceur, même sur un fonctionnement justement propre. Je pense que globalement, c'est les trois qui, tout au long de l'année, peuvent revenir d'une manière ou d'une autre. Comme toi, ce serait le romarin en priorité. C'est une plante que j'aime beaucoup, qui est dans la symbolique, de plein de symboliques en vrai, dans la clairvoyance, dans le souvenir aussi, qui est... moi, je n'utilise pas la sauge. J'ai un buisson de romarin gigantesque, donc je l'utilise très souvent. Je fais des petits fagots pour, quand je veux justement utiliser des fumigations. Je l'utilise dans mes spell jars, j'en ai fait quelques posts. Donc, le romarin en premier, lavande, pareil, j'en ai planté l'année dernière et je l'utilise aussi à fond pour les mêmes raisons que toi, l'énergie d'apaisement. Et c'est vrai que la rose, c'est aussi une fleur que j'aime beaucoup. Moi, je ne l'utiliserai pas totalement comme toi. Je l'utiliserai dans l'affirmation de soi, la reconnexion au corps peut-être, qu'on parle justement du pouvoir des plantes et de leur utilisation en magie, en sorcellerie. L'une des premières utilisations des plantes, c'est le soin, c'est le côté herboriste. Un petit peu à l'ancienne où les gens ils allaient récupérer les plantes dans la forêt et ils faisaient des cataplasmes avec. J'avais eu envie d'utiliser le mot cataplasme. Et puis de l'utiliser avec un accent, on ne sait pas quoi. Depuis la nuit des temps, on se soigne par les plantes, on se maintient en santé par les plantes, parce que guérir avec les plantes, c'est bien, mais le mieux, ce serait de pouvoir soutenir son corps saison après saison pour ne pas avoir besoin de remèdes. Et en plus, on entend ça depuis qu'on est petit sans s'en rendre compte. Les carottes, c'est bon pour les yeux, tu vois. Il y a plein de choses comme ça qu'on nous dit depuis petit qui sont pas toujours vraies. Hein. Les carottes ne vous rendent pas les fesses roses, ça, c'est pas vrai. Je pense que l'une des utilisations qu'on fait le plus aujourd'hui dans nos sociétés qui sont un peu plus urbaines, c'est d'utiliser les plantes sous forme d'huile essentielle. Et j'en profite justement pour dire attention aux huiles essentielles. Elles sont tellement concentrées par distillation des plantes et des principes actifs que la puissance de ces huiles, c'est pas de la magie. C'est vraiment de la science. Et c'est de la chimie, là, pure et dure. Et ça a un impact sur vos corps. Donc, faites attention quand vous les utilisez à bien les diluer et à bien les doser parce que ça peut être très fort pour vous. De manière générale, de toute manière, si vous ne connaissez pas particulièrement bien les huiles essentielles, le minimum, c'est de vous référer à un bouquin, n'importe lequel, hein, mais un bouquin qui puisse vous orienter sur les contre-indications, parce qu'il en existe quand même, les usages pour bien différencier si c'est une huile que vous pourrez utiliser en diffusion dans l'air, sur la peau, par voie orale. Et puis, pour chacun de ces cas-là, quand c'est possible, vous aurez à disposition des dilutions recommandées. Au moindre doute, diluez plus. Justement, toi, tu les utilises majoritairement sous forme de macérat, c'est ça? Toi, tu dans ta pratique, pas de tous les jours, mais régulière, on va dire. Ma pratique régulière, c'est clairement les macérats de bourgeons. Alors, pour deux raisons. La première, c'est que je les connais quand même bien. C'est-à-dire que je fais la formation parce que je ne les connais pas par cœur. Mais pour moi, j'en connais suffisamment pour les utiliser de façon sécuritaire et efficace. Et puis l'autre raison, c'est que pour tout ce qui serait plantes séchées et infusées, il faut savoir le faire. Moi, j'avoue que j'aime beaucoup tout ce qui est potions. Tu le sais, je fabrique des petits baumes, je fabrique des petits... Il fabrique énormément de trucs, il fabrique des bougies et tout. Ouais. C'est mon maître fabricant, il est partisan, mais il pourrait, quoi. C'est une magie différente de la magie très. Voilà, on a parlé de divination avec le pendule, avec les cartes, mais cette connexion aux plantes, ça vous apportera une autre corde à votre arc. Toi, tu les utilises macérats, huiles essentielles, évidemment. Oui. Fumigation, moi, ça va être clairement romarin, ça va être quasiment la seule que je vais utiliser. Oh ouais, moi aussi. Après, il y a les fleurs séchées que je vais utiliser beaucoup dans les infusions, notamment. Justement, on est printemps. Est-ce qu'il y a un petit conseil que tu voudrais donner en cette période qui arrive de pollen? Tout ça peut s'arrêter avec lavage de nez et plantes. Donc, c'est pas glamour, c'est certain. Vous mettez au lavage de nez matin et soir, macérat de bourgeon de cassis, un bon neutralisant pour vos allergies. C'est quoi tes impondérables pour les petits bobos du quotidien? Alors, le numéro 1, vraiment, c'est l'aloe vera. Ah oui. Pour tout l'acné, brûlure, coupure, coup de soleil, alors là, tout ce qui touche à la peau déjà, aloe vera en gel posé directement dessus, même sur une plaie, ça craint rien, donc vraiment faites, c'est cicatrisant, c'est apaisant, ça, voilà, vraiment la plante magique à boire. De l'estomac jusqu'à la fin des intestins, c'est très apaisant, très anti-inflammatoire, donc très efficace. Alors c'est pas plante, c'est minéral, mais l'usage de l'argile verte aussi, c'est Ah moi dans oui. ma vie, c'est un impondérable, pareil, usage externe-interne, mais ça fait des miracles aussi sur énormément de choses. Déparasitant par exemple. Quand justement tu vas la consommer, de l'éloigner de la prise de médicaments, toujours, parce que c'est une argile, ça absorbe quoi. Et c'est pour ça que je le dis vraiment très très clairement, si vous n'êtes pas averti à l'usage de l'argile verte par voie interne, ne le faites pas tout seul. Les huiles essentielles avec le milliard de précautions qu'on a utilisées, mais pour beaucoup de choses, le tea tree pour l'acné, tout ce qui est Ravintsara aussi, bah pareil, qui vient compléter le teint en plein hiver. Hein. Et bon, à macérat de bourgeon, j'en ai plusieurs. Et alors vraiment, si je me permets une petite aparté pour les femmes, macérat de bourgeon de framboisier. Donc là, on parle de tout, cycle irrégulier, douleur de règles, ménopause, périménopause, et même tout ce qui est pathologie, vous gardez vos suivis médicaux, mais vous complétez avec ce macérat de bourgeon de framboisier, en fait, ce qui vient soutenir votre terrain et rééquilibrer les plus gros déséquilibres. Moi j'avoue, mes utilisations en général des plantes, comme tu dis, je fabrique quand même pas mal de choses, donc j'ai fabriqué mon propre baume du tigre. Il y a deux versions du baume du tigre, officiellement tu as la rouge et la blanche, une qui est plus musculaire et l'autre qui est plus respiratoire. Moi pour le côté respiratoire, comme je suis d'origine portugaise, je ramène souvent de l'eucalyptus du Portugal. Et ouais, les bains à l'eucalyptus ou les inhalations à l'eucalyptus, c'est radical. Sinon, les grogs et les infusions, franchement, thym, citron, gingembre, pour dormir un peu de verveine. Ouais, je crois que c'est tout en vrai ce que j'utilise. Après, ouais, je fabrique quand même pas mal de petites potions, de petites huiles, de trucs. J'ai inventé une petite que j'appelle la godivine pour les douleurs musculaires Je l'ai. et Monsieur m'a offert un flacon de sa fameuse godivine et remarquable. Je crois que c'est pour toi que je l'ai inventée, celle-là, du coup. Ouais, et autant dire qu'elle m'a sauvé les miches une paire de fois. Et c'est qu'elle le dit parce que vraiment, elle a un usage chez moi beaucoup jambes. Alors, à l'époque, parce que j'avais une fibromyalgie très active et que vraiment, c'était surtout les jambes qui ramassaient, et ce mélange que tu m'avais fait était quand même remarquable. Et je l'ai gardé pour après, parfois, les post-efforts en massage. Alors ça, c'est radical. Ça détend, et le lendemain, on n'en parle plus, quoi. Pour finir ce podcast, je voudrais qu'on échange avec nos auditeurs et auditrices pour leur proposer quelques petits rituels de fin, en commençant par un petit exercice que je trouve très cool en ce début de printemps. C'est ce qu'on appelle le grounding, tout simplement. Non, mais ça me fait rire quand les gens disent « je fais du grounding ». Non, en gros, Brenda, t'as juste enlevé tes chaussures et t'es dans l'herbe. Mais c'est un très bon exercice, savoir se reconnecter à l'énergie tellurique. Déjà, un, pour se reconnecter à l'énergie de l'élément terre, mais aussi à savoir s'ancrer et se recentrer et refaire communion avec la nature. C'est un excellent exercice. Donc moi, je vous invite, cette semaine, si vous pouvez, s'il flotte pas, ça dépend où vous êtes, mais de retirer vos chaussures et d'aller dans un endroit où il y a de la pelouse, où il y a de la terre, et juste poser votre esprit et ressentir l'énergie de la terre. Est-ce que toi, tu as un petit rituel à proposer? Ah, justement, oui, c'est Ostara en vrai qui arrive. Donc, petit rituel d'Ostara. Ah bah moi, petit rituel d'Ostara, sans aucune surprise, le soleil, hein. C'est-à-dire que vous allez me trouver, c'est la saison où on commence à pouvoir me trouver face au soleil, paume de main ouverte face au soleil, et le plexus solaire qui pompe tout ce qu'il peut de cette énergie solaire. Ostara, justement, c'est très souvent associé à la notion de l'œuf, et on le voit notamment dans l'utilisation de l'œuf, l'œuf de Pâques et tout ça, donc on voit le lien. Pour ceux qui pensent encore que les païens, ce sont des hérétiques, ouais, on s'est plutôt fait piquer nos traditions, je crois, mais bon. Et donc oui, il y a aussi pas mal de rituels que vous pourrez retrouver justement avec l'utilisation des œufs, parce que comme tu disais, c'est la notion de la fertilité, de l'avenir en fait. Donc ouais, n'hésitez pas à faire vos rituels qui utilisent les œufs, qui utilisent les graines, parce que comme on dit, c'est semer son pouvoir, c'est semer son énergie, semer l'avenir en fait, avec Ostara. Vous pouvez de manière très pratico-pratique faire votre petit pot d'Ostara, dessiner des œufs dessus ou même préparer une coquille d'œuf vide peinte ou décorée comme vous voulez. Avoir un petit pot de terre dans lequel vous semez la plante que vous voulez en conscience des intentions. Et puis bah, ce petit œuf, il peut être posé dans la terre de votre pot pour symboliser que là, vous êtes en train de fertiliser vos idées, vos envies, vos projets pour toute l'année qui du coup va aller jusqu'au printemps de l'année prochaine. Et justement, on parle de semer, de plantes. Quelles plantes on peut faire pousser dans un jardin ou sur un balcon pour ce nouveau printemps? Moi, la version balcon, c'est que c'est le moment où je vais quand même bien mettre des herbes aromatiques, parce que ça, c'est un petit peu la passion. Je me dis que verveine, ça pousse bien ça en pot aussi. Alors, si j'étais sûre de réussir à bouturer un truc du thym de romarin, ça serait cool. Même si je vais passer maintenant beaucoup de temps dans mon balcon, je vais possiblement oublier un rythme d'arrosage soutenu. Si je me manque sur l'arrosage, il faut des trucs un peu robustes. Donc, autant j'ai pas trop de doutes sur thym romarin. Oui, ça Lavande, ça c'est. pourrait aussi. Autant sur les plantes fraîches, aromatiques, ciboulette, persil, menthe. Alors, menthe, c'est quand même costaud. Mais ciboulette, persil, basilic, ça peut vite crever si je me rate. Moi, justement, c'est ce que j'allais dire, hein. Ceux qui sont à planter dans un jardin, en tout cas, moi, ceux qui sont dans mon jardin, et j'en suis très heureux, c'est le romarin, évidemment. J'ai planté de la lavande, parce que ça, très, très utile. Vraiment, la lavande. On l'utilise tout le temps, c'est beau, ça sent bon. Quand vous rentrez chez vous, vous avez cette odeur. Puis tu vois, tu la coupes, quand elle est séchée, tu la mets chez toi, bah, ça sent quand même. Donc c'est vraiment un truc qui est jamais perdu. Donc si vous pouvez, si vous avez un espace qui est quand même un peu ensoleillé, bah, n'hésitez pas. Pas la lavande papillon, enfin c'est pas qu'elle est moins bonne, hein. Enfin c'est pas que c'est de la merde, c'est juste que bah ça a moins d'odeur. C'est joli, mais ça a moins d'odeur. Donc une vraie lavande, c'est bien. S'il y a plus d'odeur, c'est qu'il y a plus de molécules et c'est Oui. qu'il y a plus de vertu. C'est pas juste, ça sent plus bon. Bon, ok, ça sent bon, mais c'est pas juste une histoire de je vais pouvoir sniffer davantage ma C'est lavande. ça. C'est si elle sent plus fort, du coup, c'est qu'en termes de molécules volatiles, olfactives, elle est plus chargée, plus concentrée et du coup, les bienfaits sont aussi plus forts. Et la troisième, moi je te rejoins sur la menthe en vrai. Lavande, romarin et menthe. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour des plantes de ce jardin des sorcières. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à nous partager si vous avez des petits jardins de sorcières, si vous avez justement des plantes qui sont dans votre jardin, sur votre balcon, des plantes que vous utilisez beaucoup. C'est toujours un plaisir de voir bah, ce que vous faites aussi, vous. Oui, et puis toujours pareil, hein, nos messages, même messages privés, sont ouverts si vous avez des suggestions, des envies, si justement on n'a pas parlé d'une plante ou de certaines plantes que vous voudriez découvrir sous leur aspect magique, n'hésitez pas, on se fera un plaisir de vous en dire plus une autre fois. Merci à toi, Charline, pour cet échange intéressant comme d'hab. Merci Tony. Et puis on vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye! À très bientôt!